l'innocence. Ça craint. Ça craint du boudin, l'innocence. J'y crois pas un seul instant. Ils sont tous coupables. Sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nuisance. Thank you. pleurs d'une maman baleine en voyant son petit baleineau se faire trucider par des méchants chasseurs japonais. nous écoutons actuellement l'opus 24 DI Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Comme tu peux, je te permets de traverser d'air de jeu en air de jeu, puisque tu fais comme tu peux, car tu ne peux pas faire autrement. Hume la senteur de l'aube pour te permettre d'aller facilement, ou plutôt simplement, de terre en terre. Tu pourris, penser pour rien, et ton crime. Alors va où tu peux, car tu te permets d'aller, tu fais comme tu peux, alors te permettre d'être en façonnant ce que tu ne fais que ce que tu peux, comme tu peux. Te permet de traverser de merde, poser sur la traversée de merde. Tu ne te permet pas de courir comme il faut, comme tu peux. Tu te maudis et souris pour mourir. Cette expression. Une dernière scène. to see the world everywhere in a looking glass. Be a mountain anywhere, anytime, like a forgotten thought, like a weary hedgehog. Except something like everywhere is an edge. Contre l'envol. Il y a une espèce de chose contraire, tout ça inscrit, de ce fait, la permission est donnée, qu'il y ait une possible intervention, de sorte qu'il n'y ait pas d'autre solution. Possibilité isolée, inexistentielle, non solidaire à la norme. Comme il n'y a ni possible ni impossible, et comme il n'y a ni poste de soudure, la fureur de mourir, ainsi atrophiée, ainsi bouffée de verre. Enfin, la libération. C'est de douce occupation que survient nature d'être et anticipatoire réalité, comme et reste sans suite, inexorablement. Réaction donnée à cette question posée. Et reproduire l'intégrale, bien que partielle ou écrémée, le coin désolidarisé avec l'obscur, comme puisant dans un puits sans très fond ni âme. Je vois le monstre, la monstruosité. Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui communique avec les extraterrestres. Veuillez ne pas déranger. All the other dead wood.

Vous écoutez. Sud. Canal. Sud. Ces nuisances. Le vendredi, de 21h à 23h. Nuisance. Nuisance. As always, always seeming, always glowing, and urged to being as in a writing on. And on it goes, as always, always seeming, always glowing, and urged to being as in a writing on. And on it goes, as always, always seeming, always dreaming, much to be, as in the writing. As in never, as in not at all. The glowing time passes on. They hear the past present rupture. As in nobody. Nobody walks with me. Nobody will. I seem to be the longing for pressing. The value is suddenly shut on the door ajar. They whisper alongside the mountain top. They unite in wondrous goldfish can of a tank. I seem all over again. I'm back against the door. Against the door. Against the door. Against the door. Against the door. Against the door. Against the door. Against the door. Against the door. Against the door, against the door, against the door, against the door, against the door. présentateur remue la queue. Contre moi, rien ne sert de mourir. Avec ou se passant de tergiversation, la lueur écume au loin. Les départs factices faits de pain d'épices. Comme une permission donnée, il faut toujours se remettre en question. Jamais, toujours, comme de ce fait. L'autre ne perçoit, c'est ainsi que c'est fait. Puis il n'y a rien qui ne puisse désolidariser, sauf une chose. Enfin, la suite est ainsi faite que de ce fait, il n'y a en rien qui ne puisse puiser dans la demeure abritée d'un cloaque puant, le tabac froid et l'alcool, non. Ce ne peut être possible qu'ici-bas. Les choses remuent de tous les côtés. Comme ainsi va la vie qu'à la fin, eh bien, c'est pareil, toujours pareil, mieux vaut baiser que poser la question de savoir si l'on peut baiser ou non. Plutôt, mou, le chancre mou. Comme auparavant, il n'y a rien, en rien. Et c'est justement sa fonction vitale, ainsi de suite, jusqu'à bla bla bla. Et puis, non seulement l'on trouve un chemin hors de ce bourbier, mais en plus, on n'en finit pas de rouler sur la paille dorée. Fin.

écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de tous les non-sens et du non-sens y compris, évidemment. Le thème d'aujourd'hui est le fion. Le fion. Fuck you all and me too.

Rebonsoir, c'est encore moi. Donc vous écoutez Canal Sud, donc c'est une radio libre ou mourir. 92.2 FM à Toulouse en France, 40 rue Alfred Duméril, 31400, même Toulouse, France. Le téléphone c'est le 05 61 53 36 95. Et l'émission que vous écoutez actuellement, Nuisance, avec un S à la fin entre parenthèses. Et ben c'est l'émission que vous êtes en train d'écouter, oui. Tout à fait. Passez une bonne soirée. Thank you. Thank you.